Malgré tout ça, c'est moi qui t'aime venir. Après un doudou, moi constaté. Même si des fois moi-même t'as fait aller, nous chercher pour ça pas encore. Mais non, doudou, papa, on fait ça. Béki de Wale, Béki de Wale, si vous la sécurité. Béki de Wale, si vous la sécurité. Béki de Wale. Que te voy a leer si la sube.